m'entends? Beau, beau, beau, beau, beau, beau, beau, beau, beau, beau, beau, beau, beau, beau, beau. Si tu peux. J'ai déjà monté le son, mais ça fait un truc dégueulasse après. Par contre, je vais éloigner mon micro un peu parce que sinon ça fait trop fort. Ce son de son micro, c'est en master, non? Mais en fait, c'est à la base de l'enregistrement en fait. Il enregistre trop fort.